à tous, vous êtes avec nous sur Bricabracaïdé, sur Radio Fly FM 89.9, avec l'émission donc Bricabracaïdé, c'est la dernière. Donc on va avoir un peu la larme à l'œil peut-être, on va se retrouver au mois de septembre, gonflé à bloc, et on repartira. Donc aujourd'hui nous avons Véronique Lamas, bonjour Véronique. Bonjour. Et sa spécialité c'est kinésiologue. Oui, c'est ça. Et chromothérapeute. Thérapeute. Ouais. Voilà. Bonjour Alain, qui va nous parler de trois livres aujourd'hui pour l'été. Oui, oui, notre sélection pour la plage. Voilà, je pense qu'avec le beau soleil qu'il y a, ça donne envie. Trois livres. Par mois. Voilà. Oh non, un par jour. Linda, notre animatrice bien-être santé. Bonjour tout le monde, bonjour l'équipe. Bonjour Linda. Josie, ma complice de toute l'année qui va continuer l'année prochaine. Voilà, et qui va vous parler de trois petits films, moi. Voilà. Avec Alain, on s'est donné le mot. Ah ben c'est rigolo ça. Oui. Et Monique qui va nous parler de trois courses. Un peu plus de trois courses, bonjour l'équipe, voilà. Et voilà. Et moi je vous parlerai de quelques sorties, certaines on est partenaires avec eux, donc il faut en parler, quoi. Parce que ça nous fait plaisir. Mixart. Voilà, la Mixart, les pompiers, le 8 juillet, il y a une grande journée. On avait reçu, oui, monsieur, voilà, là, beaucoup de casque, gens qu'on avait reçus, la journée écomobilité le 24 juin, etc. Bon, Linda, on va attaquer le cœur du sujet. On vous écoute. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de la chromothérapie avec Véronique Lamas. Véronique, bonjour. Bonjour, bonjour les auditeurs, bonjour les auditrices et bonjour toute l'équipe. Bonjour. Donc on va parler des soins par la couleur. Donc c'est en fait ça la chromothérapie pour le résumé très court. Oui, bien sûr. En fait, la chromothérapie, c'est comment se soigner avec la couleur. Donc moi, quand je l'utilise dans mon cabinet, généralement, je me sers d'un pendule. Hein, j'ai une planche que j'ai amenée ici, que si vous voulez, vous pouvez la voir. Je me sers d'un pendule pour faire un bilan, justement, Luminux. Donc la chromothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est le spectre lumineux. Il faut savoir que dans le soleil, il y a 17 000 couleurs différentes. Donc cette Luminux, en fait, a un boîtier où j'ai à peu près 300 programmes pour soigner chaque problématique. D'accord. Donc, et comment décider que c'est une thérapie qui sert à qui elle sert? Ben, en fait, cette thérapie, moi, je l'utilise dans mon cabinet de kinésiologue. J'ai plusieurs outils. Donc, quand j'estime qu'une personne est trop dans le mental, en kinésiologie, il faut savoir qu'on va beaucoup chercher un peu dans le passé. Et quand je trouve qu'une personne est trop dans le mental, qu'elle va faire des blocages si on cherche trop dans le passé, je lui fais un bilan Luminux. Je la soigne avec des couleurs. Peut-être pour éclaircir un petit peu, être trop dans le mental, comment tu expliquerais ça? Parce que bon, on parle du mental, mais c'est vague, vaste. Ben, le mental, c'est des gens qui, par exemple, ils ont un petit biochoc ou un conflit ou ce genre de choses, et hop, ils bloquent, ça les empêche de dormir, c'est le blocage qu'ils font corporellement. Voilà, bon, on va se faire une petite pause et après on creusera un peu le sujet de la chromothérapie parce que c'est intéressant. A tout à l'heure. Fly FM, le meilleur des meilleurs. Thank you. nous voilà de nouveau sur Fly FM avec Véronique Lamas, Linda et toute notre équipe. Et Linda, on continue sur la chromothérapie avec ce... Enfin, on voudrait tout savoir. Voilà, tout à fait. Tout, tout et tout. Donc, Véronique, elle en était que donc, quand elle a des gens qui sont trop dans le mental. Donc, j'essaie de résumer moi. C'est trop dans la pensée, trop dans la parole. Trop dans la pensée, trop dans la parole, oui, bien sûr. Trop dans l'intellect, c'est, oui, dans l'analyse. On peut les débloquer, on peut les soigner comme ça avec la chromothérapie. La chromothérapie aussi, c'est intéressant sur les bébés aussi. Alors là, à ce moment-là, sur les bébés, il y a des couleurs pures. Moi, j'utilise des couleurs pures. Je n'utilise pas des programmes complets parce que c'est un peu trop violent. Mais ces programmes purs sur les bébés, sur les enfants, ça marche très très bien. Quand tu parles de couleurs pures... ça veut dire quoi exactement? Parce que bon, on a parlé. Une couleur pure, ça peut être un rouge pur, un carmin, un turquoise. Combien de couleurs il y a exactement? Il y en a 18. Ouais. Donc il y en a 12 principales, je crois. Alors en couleurs, les couleurs. L'autre jour, tu me parlais des couleurs. Non, c'est toi qui m'en as parlé. Les couleurs primaires, tu me parlais. Oui. Voilà. Alors moi ce que je voulais vous dire c'est que je suis en fait je suis médium à la base, d'accord, et j'ai des informations quand je soigne les gens. Je sais que par exemple telle personne elle va venir, il faut que je lui fasse ça parce que je reçois par information. Voilà. Alors si tu me parles de couleur primaire de tout ça, moi j'ai tout par intuition. Moi je suis pas du tout dans le mental. Tout est par intuition chez moi. Alors quand je fais une séance, quand je vois qu'une personne est un peu bloquée dans le mental et qui a besoin de chromothérapie, en fait, je travaille beaucoup dans les mémoires, parce que la principale problématique, c'est les mémoires qui bloquent, parce que les gens reproduisent sans arrêt ce que les parents ont fait. C'est les schémas, ce qu'on appelle les schémas. Voilà, les schémas. Donc j'ai à peu près 16 programmes différents sur les mémoires. Donc ça peut être les mémoires d'ADN, les mémoires psychiques, les mémoires psychologiques. Il y a plein de mémoires différentes, les mémoires tissulaires. Donc je dégrossis bien tout ça avec les mémoires. Et ensuite, je prends les problématiques. Par exemple, il y a la transformation des attitudes, comme la colère, comme plein de choses comme ça, comme les incertitudes. Après, il y a la guérison des causes. Il y a beaucoup de gens qui subissent l'abandon. Donc on travaille là-dessus avec la lumière. Véronique, quel public vient vous voir? Quel genre de personnes? Mais alors j'ai des personnes de... Moi j'ai des bébés tout jeunes, jusqu'à des personnes qui ont 90 ans. L'année dernière, j'ai soigné une dame qui avait la Parkinson. Elle avait 80 ans. Mais quel est le motif qui les pousse? Comment se disent-ils, tiens, je vais aller me faire soigner par la chromothérapie? Alors voilà. En fait, il y a très très peu de personnes qui connaissent la chromothérapie. Voilà, c'est ça. En fait, ils viennent me voir au cabinet pour la kinésiologie à la base. Et après vous les dirigez. Donc on va faire une pause et après on en reparlera. Voilà, nous voilà revenus sur Fly FM avec Véronique. Véronique, justement, je vous demandais, excusez-moi Linda, je lui pose la question, quel est le public et comment vous connaissent-ils? Parce que bon, moi je ne connaissais pas du tout cette technique de soins. Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, en fait, ils viennent pour des séances de kinésiologie. Moi, je rentre en contact avec la personne, quand une personne vient me voir au cabinet, je rentre en contact avec elle, donc je fais une imposition de main, devant sur le front et dans le cou, pour voir la couleur qui bloque dans le corps. Parce qu'il faut savoir que dans notre corps, il y a plein de couleurs, de lumières différentes. Donc je regarde le blocage de la couleur, et selon le blocage de la couleur, après je me dirige ou avec des fleurs de Bac, ou alors je me dirige vers la chromothérapie. Suivant la personne, tu peux faire aussi associer deux thérapies, en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, ce n'est pas nécessairement que la chromothérapie. Non, mais après, il y a des personnes qui viennent, parce qu'ils savent que je pratique la chromothérapie, qui viennent exprès. Par exemple, quand je réharmonise les chakras avec des minéraux, parce que je travaille beaucoup avec des minéraux, je mets en plus le programme chakra en chromothérapie pour vraiment réouvrir tous ces chakras. Réharmoniser, en fait. Voilà. On peut parler de réharmonisation en général. Donc, et on disait, donc ça va du bébé jusqu'à la personne. Jusqu'à la personne très âgée. Très âgée. Hein, en fait, quand je fais une séance de chromothérapie, il y a toujours une petite somatisation qui vient sur la personne. Ça peut être du chaud, du froid, c'est une petite sensation, ou des douleurs. J'ai des gens qui ont des douleurs dans le cou, dans le genou. Il y a toujours une petite sensation qui fait qu'ils intègrent bien la chromothérapie. Et je crois que tu disais qu'éventuellement, tu peux même soigner à distance. Oui, je travaille à distance. Mais je travaille beaucoup à distance, par exemple, quand une personne vient me voir pour arrêter de fumer. D'accord. Donc, pour arrêter de fumer, la chromothérapie marche super bien. Ah oui, voilà. Ah ben ça, c'est très intéressant. Parce qu'on a récemment reçu un hypnothérapeute. Oui. Et je crois que ma voisine de droite... Appelons-la par son nom, Josie. Particulièrement intéressée. Ah ouais, je vois, elle a levé le doigt. Je suis voilà, la seule, je suis la balise. Là. Ah, non. Elle est punie. Non, mais je sais qu'arrêter de fumer, c'est compliqué. Hein. Ah ben bien sûr. C'est compliqué parce que c'est une drogue et qu'on est dépendant de ça. Ben, c'est les dépendances, mais en fait j'ai des programmes de dépendance aussi dans la chromothérapie. Alcool et consorts. Ça peut être alcool, drogue, tabac, sucre, parce qu'il y a des gens qui font des dépendances au sucre. Ah oui, non, mais je sais. Voilà. Ah oui, il faut être le coca aussi. Le coca aussi, oui, en parlant d'une convaincue, là. Le sexe et les tablettes. On peut dire. Alors, le sexe, alors ça, est-ce que tu as eu des patients? Non, j'ai pas de programme pour le sexe. Ah, je suis désolée. Ah, tu vois, Claudie, on t'a mis les pieds dans le plat, là. Par contre, j'ai fait des bracelets à pierre à gemme pour la libido. Ah, vous voyez qu'il y avait une idée. Donc, on va faire une pause et on se retrouve dans un petit moment. À tout à l'heure. On va ressortir. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. Des idées noires dans mes nuits blanches. J'ai une peur bleue de perdre le fil. Je mets de la musique dans les silences, je comble les trous avec du vide. Je veux pas gagner, j'ai peur de perdre. Je m'aime pas, je veux pas penser. Je veux pas dormir, j'ai peur des rêves. Je traîne tard, je sais pas où je vais. Je traîne tard, je sais pas où je vais. Elle est pas censée, la vie que je mène. Je veux plus penser, je veux plus penser. Pas de pensée, pas de problème. Elle est pas censée, la vie que je mène. Je veux plus penser, je veux plus penser. Pas de pensée, pas de problème. Je veux pas aimer, je suis trop fier. J'ai si peur, mais tu sais, au fond mon cœur de pierre, je voudrais en faire des ricochets. Je veux pas gagner, j'ai peur de perdre. Je m'aime pas, je veux pas penser. Je veux pas dormir, j'ai peur des rêves. Je traîne tard, je sais pas où je vais. Elle est pas censée, la vie que je mène. Je veux plus penser, je veux plus penser. Pas de pensée, pas de problème. Elle est pas censée, la vie que je mène. Je veux plus penser, je veux plus penser. Pas de pensée, pas de problème. Pas de pensée, pas de problème. Elle est pas censée, la vie que je mène. Je veux plus penser, je veux plus penser. Pas de pensée, pas de problème. Elle est pas censée, la vie que je mène. Je veux plus penser, je veux plus penser. C'est pas de problème. Je veux plus penser. Je veux plus penser. Pas de pensée, pas de problème. Ah. Alors on revient avec notre chronothérapeute, Véronique Lamas, qui est là pour nous parler de cette, méthode de soin. Et on continue donc. Voilà, je vais revenir sur le nettoyage des lieux, parce que on en a parlé. Donc il y a des gens qui viennent chez toi au cabinet, que tu soignes et qui après, en sortant de chez toi, retombent tout de suite dans leur problématique pour laquelle ils étaient venus. Donc ça peut venir d'un lieu, d'une habitation. Bien sûr. Oui, quand la personne vient chez moi, que je lui fais un bilan Luminux et qu'elle revient au bout de 2-3 fois, et puis qu'on travaille beaucoup les mémoires, et que je vois, en fait, j'ai une planche avec un testeur qui, avec mon pendule, il est de 1 jusqu'à 300. C'est la roue de chromothérapie. En fait, je teste avec mon pendule. La première séance, logiquement, les personnes doivent être entre 10 et 80, quand je teste un programme. Ensuite, pendant le programme, ça monte jusqu'à 180. Si, par exemple, la deuxième fois ou la troisième fois, elle vient, j'ai, admettons, 50 en programme, elle est montée jusqu'à 50, puis elle revient, elle est à 40 ou à 30, en fait, c'est qu'il y a une problématique dans son habitat. Son habitat est un peu chargé, il a besoin de nettoyage. Donc moi, j'ai fait une formation de Feng Shui humaniste. Donc moi, j'interviens avec ma Luminux. Donc la Luminux, c'est la libération des lieux. Et pour nettoyer tous ces lieux. Qu'est-ce que c'est le Luminux ? Parce que en fait, c'est... Alors le Luminux, c'est un grand projecteur avec un boîtier qui a 300 programmes, je le disais tout à l'heure. Moi, j'ai une planche avec, par exemple, un exemple tout bête, je vais travailler sur la colère à quelqu'un, c'est E1. Donc c'est E1, ça clignote, et après je mets le 1 en programme. Donc c'est tout un programme codifié. D'accord. Et la séance même, elle dure combien de temps ? Alors, le bilan Luminux, il dure 1h30. Parce qu'il faut le bilan Luminux. Il faut vraiment approfondir qu'est-ce que je dois lui travailler à cette personne-là, quel programme je dois lui mettre, d'accord ? Et ensuite, quand la personne vient, ça dure à peu près une demi-heure. D'accord. Donc la première séance, quand la personne vient, c'est un bilan d'une heure et demie, qui dure une heure et demie. Et la séance d'après, tu commences le traitement. Oui, bien sûr, j'ai tous les programmes. Donc quand elle arrive, je lui remets mon pendule sur sa main, généralement, pour prendre un peu son énergie. Et ensuite, comme j'ai tous mes programmes qui ont été testés avant, pendant le bilan Luminux, elle arrive, je lui mets le programme et je reteste avec mon pendule où elle en est en taux. D'accord, donc c'est en fait les taux vibratoires. Bien sûr. Alors je voulais vous dire aussi qu'en ce moment, le taux vibratoire de la Terre était super élevé et le taux vibratoire des humains est très très bas. C'est pour ça que ça fait des interférences. Donc chaque personne qui vient dans mon cabinet, généralement, je mets le programme élévation de taux vibratoire. Je me dois de faire ça en ce moment. C'est un programme, quoi. Ouais, c'est un programme pour les taux vibratoires. Ok. On reprend après la pause. On va faire une petite pause et on se retrouve et on creusera ces vibrations-là. J'aimerais bien comprendre. Moi aussi. Ouais, voilà. À tout à l'heure. Fly FM. Fly FM. Fly FM. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. One boy, all that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon appetit, baby. Appetite for seduction. Fresh out the oven, melting your mouth, kind of loving. Bon appetit, baby. Take your time. 89.9 et avec Véronique. Alors Véronique, vous parliez des taux de vibration de la Terre, vibratoire de la Terre et des gens. Expliquez-nous un peu plus. Est-ce que c'est pour ça que le monde tourne par rond, si on peut dire? Oui, ben en fait, le taux vibratoire de la Terre, comme je disais tout à l'heure, il était super élevé. Ça veut dire que la rotation de la Terre tournait très très vite. Hein. C'est un cycle qui fait que ça tourne vite. Et le taux vibratoire des gens n'ont pas le temps de s'adapter à ce taux vibratoire de la Terre qui est super élevé. Donc ça fait que ça fait des interactions. Ça fait que ben, y a plein de personnes en ce moment qui disjonctent, qui suicident, des meurtres, des divorces, des séparations, des conflits. Des attentats, il y a plein de choses comme ça. Ouais, de la famine, etc. Donc, et ça vient de là. Voilà. Donc moi, mon rôle, moi je suis beaucoup en relation avec Jean-Claude Nobis, le créateur de la Luminux, qui m'envoie régulièrement des mails avec des informations. Et qui me dit, bah, tiens, balance un peu ça en ce moment, balance un peu ça, parce que c'est très important, comme je disais tout à l'heure, à chaque personne qui rentre dans mon cabinet, déjà, il a le taux vibratoire avec la Luminux qui s'élève. D'accord. Voilà. Linda. Donc, Jean-Claude Nobis, c'est la personne qui t'a formé, en fait. Mais en fait, Jean-Claude Nobis, je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années, hein, quand j'étais en formation de kinésiologie. Et il ne m'a pas donné de formation. Je me suis tellement intéressée, parce que moi, pour moi, ma Luminux, c'est mon bébé. Je ne le sors pas de mon cabinet, c'est très précieux pour moi. Et il m'a donné beaucoup d'informations. À chaque fois que j'avais besoin de conseils, j'allais le voir. D'accord. Voilà. Donc, et par exemple, est-ce que tu peux nous donner une explication sur quelques couleurs? Par exemple, le rouge. Oui, ben, en fait, comme je disais tout à l'heure, dans le studio, il y a un mur rouge. Alors, le rouge, c'est une couleur qui est très bien quand on a un problème d'ancrage. Hein. C'est le premier chakra, le chakra racine. Ensuite, ben, le rouge, c'est le couleur au côté affectif, couleur passion. Mais du rouge, dans un habitat, c'est très mauvais, parce que quand il y a un conflit ou il y a un mur rouge ou des rideaux rouges... Ça énerve. Voilà, ça énerve et ça amène la colère. Ça amène la couleur. Voilà. La colère. Est-ce que tu peux nous donner une couleur apaisante pour une chambre à coucher, par exemple? Ben, une chambre à coucher, moi je dis l'idéal, c'est le blanc, parce que dans le blanc, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. c'est vraiment quelque chose qui apaise. Le blanc, c'est une couleur pure. Et le bleu, parce que il me semble que le bleu dans une chambre à coucher, je sais pas, hein, j'y connais rien. Je pose la question. Ben, le bleu dans une chambre à coucher, c'est l'apaisement. Moi, quand j'utilise du bleu en chromothérapie, c'est quand il y a des douleurs. Hein. Les personnes qui ont des douleurs dans le corps, c'est intéressant de mettre du bleu, surtout du turquoise. D'accord. Voilà. Ben, on reprend après la pause. On se fait une pause et on se retrouve dans un petit moment. Et on conclura. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. Mon amour, rappelle-toi nos souvenirs. On était libre, on avait toute la vie. Chaque jour, semble si loin de nous faut rire. À la folie, nos âmes sont en péril. Non, à quoi bon tromper nos corps, nos cœurs en désaccord le savent. On a tous les deux tort. J'ai corps pris dans mes bras, et comme tous les soirs, j'aurais fait le premier pas. Oui, comme tous les soirs, on ne peut plus se mentir. Mon amour, dès que sommes-nous devenus des anonymes qui vivent dans le déni. Chaque jour, un peu plus à la dérive. Mélancolie, mélancolie, mais ton silence est pire. Oh, à quoi bon tromper nos corps, nos cœurs en désaccord le savent. On a qu'on se délivre de ces chaînes invisibles. Je t'aurais pris dans mes bras, et comme tous les soirs, j'aurais fait le premier pas. Oui, comme tous les soirs, on ne peut plus se mentir. Au revoir. Reviens vers Véronique. Oui, voilà, donc, simplement, pour vous trouver, Véronique, je pense que vous exercez au tort. Oui, alors pour me trouver, je suis au 189 zone industrielle de la Cigalière, à côté du sonographe. On peut me retrouver aussi sur ma page Facebook Véronique Lamasse. Je peux donner mon téléphone aussi ? Oui. Alors, mon téléphone, c'est le 06 11 72 17 06. Et je pense qu'on peut vous rencontrer aussi à pas mal de salons. Oui, on me rencontre dans les salons. Je fais quelques marchés créateurs aussi. Ça dépend. Ça dépend de mon humeur, en fait. Ça dépend des occasions qui se présentent bien sûr. Toi. Et puis, voilà. Bien sûr. Mais je pense que prochain salon, je voulais savoir. Est-ce qu'elle l'a en tête ? Alors, mon prochain salon, ça va être L'Île-sur-Sorgue au mois de septembre. Donc, c'est au parc Gautier. Voilà. Donc, je fais L'Île-sur-Sorgue au mois de septembre. Après, je fais Veudenne avec Cosmos Zen. Après, je fais le Salon des Minéraux à La Ciotat. Et le quatrième salon, je ne sais plus. Moi, je voulais vous poser une question. Oui. Quand vous faites un salon, ça consiste en quoi ? Ben moi, quand je fais des salons, en fait, je fais des brassées chemin de vie et je tire le tarot, généralement, sur les salons. Mais vous ne parlez pas de la chromothérapie ? Ah ben bien sûr que si. Si, j'ai des fly de kinésiothérapie où les gens... Vous leur expliquez ? J'explique. Ah ben, c'est le but, hein, c'est le but du salon, c'est d'expliquer ce qu'on fait. Mm-hmm. Voilà. Je voulais parler, si j'ai encore deux petites minutes. Oui, bien sûr, allez-y. J'ai aussi dans la chromothérapie ce programme pollution. Alors, c'est intéressant pour les personnes qui ont le cancer. Je nettoie toutes les cellules avec le cancer, les réactions de produits chimiques, de métaux lourds. Hein. Et j'ai aussi un petit protocole avec des élixirs de cristaux pour les effets secondaires du cancer. Ça, c'est intéressant aussi. J'ai des programmes aussi pour les vaccins, quand on se fait vacciner. Il faut enlever la radioactivité aussi du vaccin, c'est chimique. Et puis, c'est des métaux lourds aussi. Ouais, c'est des métaux lourds aussi. Et puis, les personnes qui prennent des antidépresseurs ou des cachets, ou des médicaments un peu forts, hein, qui sont chimiques. Donc, je nettoie aussi tout ça avec la chromothérapie. Ben, ça nous donne un large panel. On peut que vous encourager d'essayer de rencontrer Véronique. Voilà, je pense quand même le meilleur moyen, c'est la page Facebook pour... Oui, la page Facebook. Donc, Véronique Lamas. Voilà. Merci. Voilà. On se quitte et on vous dira au revoir tout à l'heure. OK. À la fin de l'émission. On continue. Bon, ben Alain, est-ce que tu nous parles de trois livres ? Alors, trois livres pour passer l'été. Je vais commencer avec un roman historique, Pour ce qu'il me plaît, de Laure Buisson aux éditions Grasset. Jeanne de Belleville, née en 1300, épouse le baron breton Olivier de Clisson. Ivresse du bonheur. Le roi de France fait décapiter son mari. Ivresse de la vengeance. Jeanne prend le large. Littéralement, elle arme un bateau et à la tête d'un équipage, part à l'assaut des vaisseaux battant pavillon français. Quelques mois suffisent à la première femme pirate de l'histoire pour faire régner la terreur sur la côte atlantique et les grandes rivières bretonnes. Quelques mois pour devenir la lionne sanglante, honorant la devise des Clisson pour ce qu'il me plaît. Alors Laure Buisson ressuscite avec rigueur la vie éminemment romanesque d'une héroïne oubliée de l'histoire de France. Vrai ? Oui, c'est une histoire vraie. Donc on va s'arrêter et tu nous diras les deux livres tout à l'heure. On fait une petite pause et on continue avec les deux livres pour l'été. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi ici et persiste. Résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine? Pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Oh, résiste. Suis ton cœur. sur Fly FM, vas-y. On reprend Fly FM avec Véronique qui va nous quitter et qui voulait nous dire un petit au revoir. Oui, ben déjà je tenais à vous dire merci, hein, super émission, bonne équipe, sympathique et tout, c'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai pas parlé énormément de chromothérapie, mais je reviendrai, vous inquiétez oui, pas. Oui, bien sûr, j'allais vous le dire. Et je souhaite ben, une très très belle journée, j'envoie plein de lumière à tous les auditeurs, toutes les auditrices, hein, et puis à toute l'équipe aussi. Hein. Voilà, merci et au revoir. Au revoir Véronique. Merci Véronique. Et je crois qu'Alain va continuer merci. Avec son second livre. Alors, pour continuer, donc là, un roman contemporain. J'ai toujours cette musique dans la tête, d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Lafon. Yanis et Vera ont la petite quarantaine et tout pour être heureux. Ils s'aiment comme au premier jour et sont les parents de trois magnifiques enfants. Seulement voilà, Yanis, talentueux autodidacte dans le bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère architecte de Vera. Luc est aussi pragmatique et prudent que Yanis est créatif et entreprenant. La rupture est consommée lorsque Luc refuse le chantier que Yanis attendait. Poussé par sa femme et financé par Tristan, un client providentiel qui ne jure que par lui, Yanis se lance à son compte, enfin. Mais la vie qui semblait devenir un rêve éveillé va soudain devenir plus sombre. Yanis sera-t-il échappé à une spirale infernale sans emporter Vera? Son couple résistera-t-il aux ambitions de leur entourage? Alors c'est une réflexion profonde sur les choix de vie et l'ambition de chacun. Voilà. Et le troisième? Et le troisième, alors quand même... C'est pour se détendre. C'est pour moi, c'est Selfie de Jussi Adler-Olsen aux éditions Albin Michel. C'est un polar danois. C'est la septième enquête du département V. À Copenhague, elles touchent les aides sociales et ne rêvent que d'une chose, devenir des stars de reality show. Sans imaginer un instant qu'elles sont la cible d'une personne gravement déséquilibrée, dont le but est de les éliminer une par une. Alors l'inimitable trio formé par le cynique inspecteur Karl Merck et ses fidèles assistants Assad et Rose doit réagir très vite s'il ne veut pas voir le département V accusé de ne pas être assez rentable et les objets à mettre la clé sous la porte. Mais Rose, plus que jamais indispensable, sombre dans la folie, assaillie par les fantômes de son passé. Alors Merck et Assad, aidés par Gordon, vont à la fois mener l'enquête et essayer de sauver Rose. Voilà, j'adore c'est ce trio. C'est haletant, sur 650 pages, à lire sur la plage. Voilà, 650 pages, ça, j'adore. Allez, on se fait une pause et après tu nous parleras des films. Oh, c'est un peu plus calme. Allez, Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. Always get so restless. Bad boys will be. FM et Josie va nous parler de trois films. Oui, c'est trois courts-métrages de après Ernest et Célestine, ceux qui connaissent. Alain tout à l'heure, il me dit oui, je connais. Les enfants l'ont lu, je pense beaucoup. Et des BD qui marchent très bien pour gérer les petits. Tout. Il est sorti à 150 000 exemplaires. Oui. Donc ils en ont fait un dessin animé. Oui. Eh bien non, le même auteur a fait Le Grand Méchant Renard. Le Grand Méchant Renard, en fait, c'est l'histoire de trois BD, il s'appelle Benjamin Renner, et c'est trois courts-métrages. Alors le premier, c'est un méchant renard qui compte les mésaventures d'un jeune renard maladroit et d'une petite poule rousse au caractère fort. Ben, le renard, il voudrait dévorer la poule, il en a marre parce qu'il n'arrive pas à la dévorer. Qu'est-ce qu'il fait? Il vole les œufs, et manque de peau, ben, il va naître des petits poussins. Alors là, je ne te dis pas la catastrophe. Après, nous avons le bébé à livrer, c'est un canard et un lapin qui mange sous un pommier et paf, une branche et le casse. Qu'est-ce qu'on a? Une cigogne qui tombe sur la tête de ce lapin et de ce canard. Alors qu'est-ce qui va se passer? Et elle a qu'est-ce que fait une cigogne? Eh ben, elle a dans ses bras un bébé humain qu'elle devait déposer chez ses parents. Mmh. Mais là, elle s'est cassée l'aile. Alors ben, il se retrouve avec lapin canard et son ami cochon. Et ben, il faut qu'il trouve le parent de ce bébé. Et après, on a Il faut sauver Noël. Ou alors là, c'est un cochon qui se réveille et trouve devant sa porte un lapin et un canard surexcités par l'arrivée du Père Noël et décidé de construire un bonhomme de neige. Mais ils s'aperçoivent que le Père Noël est agrippé à une fenêtre, prêt à tomber, sans comprendre qu'il s'agit d'une banale décoration. Les deux compères, on me dit qu'il faut aller vite, je non, vais vite, on va doucement. Tentent de lui porter secours. Et dans les mains malhabiles, le faux Père Noël est emporté dans sa chute et se casse en deux. Persuadé d'avoir éliminé le vrai Père Noël, il décide de le remplacer en distribuant les cadeaux à sa place. Car contrairement à ce que le cochon croit, ils sont adultes et responsables. Vous avez trois petits récits qui sont très bien parce que j'ai vu des extraits au cinéma. Après Marie-Francine que j'avais conseillé mercredi dernier, je crois qu'Alain, tu es allé le voir. Ah oui. Et tu t'es régalé aussi. On passe un très bon moment, ça prend pas la tête. Ouais, c'est ce qu'ils se sent très bien. En sortant, on se sent très bien, voilà. Effectivement. Et bien là, vous vous sentirez bien aussi parce que c'est simple, drôle, efficace et vous avez un bon moment de joie animé pour les petits voilà. Et les grands. Ouais, et les grands aussi. Ah ouais, parce que moi j'ai rigolé. C'est joli, c'est mignon. Ouais. Vous n'avez pas de violence et franchement... Que demander de mieux. Ouais, exactement, on en a besoin. Est-ce que j'ai le temps de... Voilà, je vais parler de la chorale Ritournelle, qui donne un concert à la salle de la Vannerie à Monteux. C'est samedi 10 juin à 17h. L'entrée est de 5 euros et ça s'appelle « Juste quelques chansons ». Je pense que c'est un bon moment. Puis c'est pas très cher, 5 euros. Puis j'aime bien la chorale Ritournelle. Nous avons aussi la Mixart. Alors, c'est le premier anniversaire de cette rencontre. La Mixart d'été fête son premier anniversaire. Elle est organisée par Jérémy, que tout le monde connaît, de Night Eden Garden Concept. C'est le chef d'orchestre en somme. Et c'est samedi 10 juin au Bellano, sur l'île de la Barthelasse. À partir de 18h, c'est ouvert à tous. Mais si vous voulez réserver pour manger, il faut téléphoner au 06 24 06 39 86. 06 24 06 39 86. C'est une soirée qui mélange art, musique avec des artistes que nous avons reçus, dont le DJ Tiliac. Il y a l'artiste sculpteur Nicolas Herès, il y a Franck Garinos de la Traversée des Arts, une artiste body painting Faustine de Jode, le concert de Nicolas Vasiliev que Francesco a reçu. Et nous allons y aller, je crois, passer un petit moment de la soirée. Et on se fait une petite pause et après on conclura avec l'Olympic Cup et la journée éco-mobilité. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 pour notre dernière émission de la saison. Et donc Josie, qu'est-ce que tu nous proposes comme sortie? Eh ben moi, j'allais pas proposer une sortie, tu vois. Pas. Ah, mais... J'allais pas proposer une porte sortie. J'allais vous parler, une autre fois, je vous ai parlé du taureau, du gémeaux, du taureau. Et là, je voulais parler du cancer, parce qu'on n'en parle jamais, puisqu'on n'est jamais, on est jamais là. Donc si vous avez des enfants cancer ou des maris cancer, ou des j'ai un cancer, enfant cancer. Voilà, alors les petits cancers ou les grands cancers sont tendres, affectueux, imaginatifs, sensibles, candides, fidèles, romanesques, paisibles. Eh ben c'est vrai. Voilà, mais ils peuvent être aussi entêtés, irréalistes, paresseux, lunatiques, tournés vers le passé, capricieux et enfantins. Non, pas tant. Et si vous voulez, donc effectivement, ils sont profondément gentils et la réalité leur fait peur. Alors, si vous voulez les aider, si votre petit cancer est timide, il faut les encourager, leur montrer qu'ils sont capables de faire plein de choses, leur donner des tâches à accomplir. Et surtout, ne prenez pas sa défense à tout propos, ça le rendrait encore plus dépendant de sa famille. Voilà, petit conseil. Voilà. Mais moi, j'ai mon petit cancer, mon grand cancer, qui est du 28 juin. Donc, moi, j'ai aussi un petit cancer à la maison. Ouais, il y a beaucoup. Enfin, moi, il est grand. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vérité. Est-ce que je peux vous parler de l'Olympic Cup? C'est, ah oui, on va faire du sport. Samedi 10 juin et dimanche 11 juin, c'est l'Olympique Montpellier que Fred a reçu lundi, qui organise ces deux journées festives. Alors, c'est un tournoi international catégorie U15. Alors, U15, ça veut dire 12-15 ans. Les jeunes viennent de tous les pays, de la France, de la Corse. Et même les non-sportifs se régaleront de cette ambiance conviviale. Et je crois qu'il y a un direct avec nos studios. Dimanche après-midi à partir de 13h, c'est ça? Ou 13h, 14h. Tout l'après-midi. Voilà, tout l'après-midi. Et je voulais vous parler de l'éco, de la journée écomobilité. Samedi matin, j'ai reçu M. Troche avec ses élèves. Donc c'est le 24 juin de 9h30 à 16h30. On sera présent, on va faire des enregistrements d'interviews. Ah, ça c'est bien. Au lac de Beaulieu. C'est pour la quatrième année, c'est des variations autour de l'écomobilité. Je pense qu'Alain, ça y plaira beaucoup. C'est avec des étudiants en BTS d'électrotechnique du lycée La Salle à Avignon. Et donc, c'est tout ce qui est les Rosalie, par exemple, à l'énergie solaire. Ce qu'on devrait tous... Voilà, toute l'écomobilité qui ne pollue pas la planète. Donc, il va y avoir un bateau. Vous pourrez essayer les trottinettes électriques, les bateaux. Ouh, ça, les... peut faire plein, ça va plaire aux petits, aux grands. Et ça. En plus, c'est gratuit. Donc, c'est de 9h30 à 16h30 au lac de Beaulieu. Et c'est la quatrième année et je pense qu'on va se régaler. Donc, nous serons là. Et voilà. Et à prévoir la casquette et la bouteille d'eau, je pense. Oui, mais je pense qu'on a un barnum. Ils nous offrent un barnum. Donc, si tu as encore quelque chose à nous dire. Non, tu sais, je crois que c'est, si on ne les avait pas reçus, ne dites pas à ma femme que je suis Marseillais. Oui. Ils sont samedi 17 juin à 21h30 à la cour de la Charité à Carpentras. C'est un spectacle tout public et assis. Et je crois que Monique, elle va nous parler des courses. Non, on se fait une petite pause. Ah, on fait une petite pause. Après, je parlerai quand même de ce qui se passera dans la caserne des pompiers le 8 juillet en 30 secondes. Ah oui, pensons à ce monsieur qui était venu. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. I can see that you're giving up. It should not mean that much to me. And I don't know where the rest go, but everybody's been telling me no. See that you're giving up, so tell me, it should not mean this much to me, and I don't know where the rest goes, everybody's been telling me no, but I always have a thing for you, I move the earth, but not you won't be better. There is nothing I can do but steal the moon, and nothing made you won't be better. Oh woman, oh, oh, oh man, choose a path or a child, great mirror plans. voilà, revenu sur Fly FM 89.9 à l'émission Bric-à-Brac à Idée. Et moi, je vais conclure en vous disant que le 8 juillet à Monteux, à la caserne des pompiers, une journée conviviale pour l'association Le Casque et l'Enfance se déroulera à partir de 14h. Donc, ça se passe à la caserne de Monteux avec des mots de GSP. Alors, je ne sais pas ce que c'est, GSP. GSP. Ouais, je ne sais pas, ça doit être. Ouais, ça doit être un truc de pompiers. Chien de secours. Secours routier, il y a une tyrolienne, parcours sport, tour en camion, et tout ça c'est avec un partenariat avec les commerçants de Monteux. Et le soir, il y a un DJ, buvette. Et si vous voulez des renseignements, vous contactez Nicolas Marchal que nous avions reçu ici au 06 02 16 12 08. 06 02 16 12 02. Et bien sûr, ils ont une page Facebook, donc vous y allez et vous aurez tous les renseignements. Voilà, je crois que tu veux nous parler de courses. Oui, les dernières courses avant que nous arrêtions pour cet été. Malheureusement, mais bon, un peu de repos ne fera pas de mal. Oui, ça va également. Nous reposer. Alors, je vous propose samedi 10 juin Extreme Ventoux Trail. Donc voilà, c'est une grosse distance, je pense. Vous avez un 15 km d'agroparc également. Le dimanche, donc tout ça c'est course à pied, hein. Le dimanche 18 juin, Trail de la Cerise à Beaunieu, vous avez deux distances, un 11 et un 17 km. Le vendredi 23 juin, Via Festa à Jonquière, un 9 km simple ou alors en boucle de 3 km, ça se fait en relais. Vous avez également le dimanche 25 juin, le Trail des Dentelles à Gicondas, donc vous avez une marche et vous avez un 21 km en course à pied. Et alors pour la course à pied, là c'est terminé, je vous propose une sortie VTT le samedi 17 juin, un raid de découverte Vaucluse à Buoux. Alors pensez bien à vous hydrater, à vous reposer pour reprendre en septembre en bon état. Mais ces courses, c'est bonheur le matin, parce qu'il fait chaud. Ah ben bien sûr, ouais. C'est relativement bonheur, ouais. Enfin, je suppose, ou alors en fin d'après-midi. C'est... Ah oui, vous avez également la course de Vedaine, la nocturne, qui se déroulera cette année le 7 juillet. C'est un parcours de 7 km qui se fait à deux, donc c'est offert par la municipalité de Vedaine, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à venir. Voilà, je vous rappelle que c'est la dernière de Bric-à-Brac. Voilà, nous n'avons pas, oui, personne la semaine prochaine. Voilà, on remercie. Oh, mais Claudie, tu as manqué. On va se verra quand même. Mais on se reverra. Oui, on se revoit déjà le 21 juin. Allez, merci. Ah oui, ne pas passer à la fête de la musique à Monteux, ça va être le top. Ah, le 21 juin. Merci Claudie. À bientôt. À bientôt tout le monde. Linda. Merci Linda. Merci Josie. Au revoir les auditeurs. Merci. Bye bye. Et bonnes vacances.